Vous êtes toujours à l'Heure internationale, une émission qui est animée et produite par le Comité de solidarité Trois-Rivières. On parle aujourd'hui de la situation en Haïti. Et ben dans le fond, on a un invité qui connaît la situation en Haïti. C'est Denis Labelle. Il est directeur général du Comité de solidarité Trois-Rivières. Denis a déjà habité Haïti. Il connaît la situation et il va pouvoir nous en parler un petit peu. Denis, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Excellent. Salut, Denis. Bonjour. Donc, la situation en Haïti, là, vous faisiez un point de presse la semaine dernière avec l'équipe du Comité de solidarité Trois-Rivières. Est-ce que c'est si sombre que ce qu'on voit dans les médias Haïti? Bien, évidemment, dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a une situation assez terrible, assez même douloureuse dans un premier temps pour les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes, parce que quand même, depuis un an, les attentes sont nombreuses, je veux dire, les défis sont nombreux et même gigantesques, mais les Haïtiens et les Haïtiennes nous ont lancé un appel à la solidarité il y a plus d'un an, puis cet appel à la solidarité, il se poursuit. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que dans un premier temps, on peut bien reconnaître que les défis sont gigantesques, qu'il y a des problèmes de coordination, qu'il y a des problèmes de lenteur. On pourra revenir tantôt là-dessus. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que cet état de fait, de la lenteur, qu'il y a des choses qui bougent pas ou bougent pas assez vite, fait en sorte que du côté du Québec, il peut y avoir une tendance chez les donateurs à dire, ben écoute, qu'est-ce que ça donne de donner? J'ai l'impression que l'argent, il se rend pas. J'ai l'impression qu'il se passe rien. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs ONG qui rapportent en fait que les dons sur le coup à Haïti, et même le Comité de solidarité, on l'a vu, là, les dons, le monde était très généreux et ça l'a diminué. Et même cette année, c'est de plus en plus difficile. Il faut convaincre les gens qu'il se passe quelque chose sur le terrain parce que c'est pas ça qu'on voit à la télé présentement. Là. Oui, et c'est pour ça que j'aimerais dire, puis en même temps, inviter les gens à faire la différence entre, j'allais dire, trois enveloppes. Quand on parle de l'aide canadienne ou de l'aide du Québec en Haïti, ça représente à peu près trois secteurs ou trois enveloppes. La première enveloppe, on pourrait l'appeler le secours d'urgence. Et là, c'est important que tout le monde sache que les sous qui ont été donnés, soit à Développement IPS, soit à la Croix-Rouge, soit où ceci, soit à des organisations de secours d'urgence, ces sous-là ont été dépensés et même ces organisations-là, depuis un an, sont toujours sur le terrain. Il y a encore, évidemment, des équipes sur place qui s'occupent de secours d'urgence parce que on est encore dans l'urgence. On n'est pas encore dans la reconstruction puis on n'est pas encore dans le développement. Donc, ces organisations-là ont livré la marchandise et continuent à le faire. D'autant plus que le choléra est arrivé dans le décor en novembre. Donc, ces organisations sont toujours sur le terrain en train de donner des services, que ce soit en eau potable, en médicaments, en santé. Ils font un travail extraordinaire et ça, on n'entend pas vraiment parler. Ce qu'on entend parler, et ça, c'est un vrai problème, c'est les promesses des grands donateurs internationaux, ce qu'on appelle les gouvernements, les grands bailleurs de fonds, les institutions financières, que ce soit la Banque interaméricaine de développement ou la Banque mondiale. Quand on promet des sommes assez astronomiques, on parle de 10, 12 milliards en un an ou deux ans, c'est là qu'on voit des lenteurs, parce qu'il y a encore, on parle de 5 à 10 ou 15 % uniquement des débris qui ont été ramassés. Après un an, on se demande pourquoi telle lenteur, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a vraiment un problème dans la deuxième enveloppe qu'on appelle reconstruction. Et ça, les sous qui sont dans l'enveloppe reconstruction, là, c'est, encore une fois, c'est pas pour les secours d'urgence. Les secours d'urgence, ils ont été livrés puis continuent à l'être aujourd'hui. Oui. Vas-y avec la troisième enveloppe. La troisième enveloppe, on pourra revenir tantôt là-dessus aussi si tu veux. La troisième enveloppe, c'est ce qu'on appelle les projets de développement. Ce sont des organisations comme le Comité de solidarité de Trois-Rivières. Puis là, on appuie avant le 12 janvier, puis après le 12 janvier, on appuie des petites organisations. Ça s'appelle ce qu'on pourrait appeler ici au Québec des groupes communautaires ou des groupes populaires. Donc, c'est des regroupements de femmes, de paysans, d'étudiants. C'est des cliniques médicales, c'est des radios communautaires. C'est ce qu'on appelle la vie démocratique en Haïti, parce qu'au-delà des problèmes de corruption puis des problèmes d'un État qu'on dit fragile ou un État qu'on dit corrompu, il y a partout sur le territoire haïtien des groupes démocratiques, des groupes qui défendent les droits, des groupes qui donnent des services en éducation, qui donnent des services en santé. Et ces groupes-là ont besoin aussi de continuer à être appuyés par des donateurs du Québec ou du Canada ou d'ailleurs. Mais ce sont des organisations qui sont vivantes. Elles étaient vivantes avant le 12 janvier. Elles sont encore vivantes. Et c'est la première base de la vie démocratique en Haïti. Ce sont ces groupes qu'on appelle des organisations de la société civile. Et ça, c'est la troisième enveloppe. Et présentement, cette troisième enveloppe souffre aussi parce que c'est comme si tous les sous, puis évidemment tous les milliards, ils sont mis dans la deuxième enveloppe qu'on appelle la reconstruction. Et dans cette enveloppe-là, évidemment, il y a jusqu'à présent, selon le rapporteur officiel là, de l'ONU, qui est le rapporteur sur la situation d'Haïti, il n'y a pas encore 50 % des promesses qui ont été décaissées. Exact. Et toi, tu es allé sur le terrain en Haïti. T'en reviens là, il y a quelques mois à peine. Tu es allé rencontrer les partenaires, là, justement, les espèces d'organismes communautaires avec lesquels le Comité de solidarité de Trois-Rivières est en collaboration. Et sur le terrain, eux, comment ça se vit là, un an après? Bien, je suis allé en novembre dernier. Puis ensuite, il y a une autre personne du comité qui s'appelle Annie Lafontaine qui est allée en mai ou juin dernier. Donc, on va régulièrement, deux fois par année, rencontrer nos partenaires. Ça nous permet d'être en contact avec nos partenaires, mais en même temps en contact avec la réalité peut-être politique et sociale du pays. Le dernier séjour, j'ai passé quelques jours à Port-au-Prince. Évidemment, c'était pour moi un choc assez important parce que entre le 12 janvier, au moment du tremblement de terre, et mon dernier séjour en novembre, moi, j'avais pas mis les pieds en Haïti. Là, donc, c'est vraiment comme si une bombe atomique était tombée sur Port-au-Prince. Physiquement, puis socialement, bien évidemment, c'est des milliers de personnes qui vivent encore sous des tentes, sous des bâches. C'est assez... ça ressemble, si tu veux, je dirais une partie de l'enfer. Si j'avais à dépeindre un peu l'enfer, remarque, j'y suis jamais allé, mais si j'avais à dépeindre l'enfer, ça ressemblerait probablement à ça. Les gens sont entassés, les gens attendent une maison, attendent un signe clair de solidarité, même si dans les faits, jour après jour, ils reçoivent ils reçoivent de l'eau, ils reçoivent des médicaments. Il y a quand même des organisations qui leur donnent des services. Mais la situation chez nos partenaires, eux, ils perdent pas. Dès le lendemain du tremblement de terre, même s'ils ont perdu des membres de leur équipe, des membres de leur famille, des amis, ces gens-là étaient debout là, dès le 13 janvier. Ils continuent à l'être aujourd'hui. On se demande même où ils prennent leur énergie parce que eux, Haïti, pour eux, c'était déjà un pays à reconstruire avant le 12 janvier. Donc, eux, ils étaient déjà des architectes avant même que la maison, la maison d'Haïti se retrouve aplatie. Donc, les défis, ils étaient déjà nombreux et gigantesques avant le 12 janvier. Et ces gens-là continuent à croire en la démocratie et croire aussi au pays qu'il faut continuer à construire. En quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire le travail concret? Là, on a deux partenaires, nous autres, sur le terrain là-bas. Il y a CAIFAM et IRATAM. Est-ce que tu peux, en quelques mots, dresser un peu ce qu'ils font? Oui. CAIFAM, évidemment, c'est une organisation qui accueille des femmes et des fillettes victimes de violences familiales ou de violences de toutes sortes, de violences sexuelles. Donc, c'est un service d'hébergement, d'accompagnement, de défense aussi de droits de ces femmes et de ces fillettes-là. Mais ils font aussi de l'éducation, ils font évidemment du soutien psychologique, puis aident aussi à certaines femmes et certaines fillettes à retourner à l'école, à se donner un petit métier. Donc ils font un travail extraordinaire de défense des droits des femmes et des droits des fillettes. Notre deuxième partenaire, qui s'appelle IRATAM, c'est vraiment dans le nord-est du pays, plus près, si tu veux, de l'autre grande capitale qui s'appelle le Cap-Haïtien. C'est une équipe qui travaille en montagne, donc à Sainte-Suzanne, et ils font du travail auprès des paysans en agriculture durable, en production de café, en production vivrière. C'est vraiment de l'aide technique pour que les paysans puissent utiliser des techniques d'agriculture durable, puis en même temps leur permettre d'augmenter la production, leur production pour être capable, un, d'en vivre, et deux, de déposer au marché local, un petit surplus puisse se retrouver sur le marché local, puisse que ces gens-là puissent faire des sous. Et là, si des gens, mettons, écoutent l'émission, se disent il y a un travail formidable qui est à faire là-dedans, il faut appuyer des petits ONG comme le Comité de solidarité ou comme IRATAM et CAIFAM, comment est-ce qu'on peut faire un don directement à ces organismes-là sans, dans le fond, devoir passer par les grosses structures qui sont des fois plus lentes, etc.? Est-ce qu'il y a moyen de faire un don directement là, qui va pouvoir contribuer à aider ces partenaires-là? Oui. Bien, évidemment, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Au Comité de solidarité, on a deux partenaires en Haïti. On n'en a pas 12, on n'en a pas 150. C'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. C'est des gens avec qui on a des contacts directs. C'est des gens qu'on visite. Donc, on va rencontrer les gens. On voit les résultats sur le terrain. Donc, les gens qui voudraient appuyer CAIFAM, donc ce groupe de femmes à Port-au-Prince et les groupes de paysans à Sainte-Suzanne, bien, les gens peuvent faire un don directement au Comité de solidarité. Les gens peuvent aller sur le site Internet du Comité de solidarité qui est CS3R, CS le chiffre 3, là, CS3R.org. Les gens peuvent faire un don en ligne directement ou bien nous appeler tout simplement au comité et peuvent venir même déposer directement leur don dans les locaux du comité. Puis, évidemment, ces sous-là deviennent pour nous une capacité de lever d'autres fonds. Ça devient pour nous ce qu'on appelle, dans le jargon, là, une contrepartie. Ça va être notre capacité. Exemple, si quelqu'un nous donne un dollar, mais nous autres, on va essayer de le doubler, ce dollar-là, auprès de d'autres agences, que ce soit l'Agence canadienne de développement international ou d'autres partenaires. Excellent. Bien, merci beaucoup, Denis. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter bonne fête. Ben merci. Oui, c'est aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Alors, ben merci d'avoir pris un peu de ce temps de ta fête pour être avec nous. Je pense que le message a bien porté. C'était important. Et c'est le fun d'avoir pu faire le point de quelqu'un qui est allé en Haïti, finalement. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, il faut pas ajouter à l'élément de noirceur, j'allais dire, parce que les Haïtiens, encore une fois, l'appel à la solidarité qui nous a été lancé, ben, il se poursuit. Et je pense qu'il faut... Il faut critiquer ce qui ne fonctionne pas, mais il faut aussi continuer à être solidaire. Bien, merci. C'était Denis Labelle, directeur général du Comité de solidarité Trois-Rivières, qui était avec nous pour faire le point sur la situation d'Haïti. Alors, on rappelle que les dons, dans le fond, peuvent être pris sur le site cs3r.org ou directement là, au comité. Il y a un site Internet, vous pourrez téléphoner, écrire, etc. Donc, c'est important d'appuyer les petits ONG qui sont sur le terrain et notamment bien, le comité a deux partenaires.